Le séminaire sur l'œuvre classique du camarade Kim Jong-un, faisant honneur pour toujours aux grandes idées révolutionnaires du Sangun du camarade Kim Jong-il et à ses éminents hauts faits en la matière, s'est déroulé le 17 au Mexique à l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Sangun du général Kim Jong-il. Y ont pris part les personnalités du comité d'études du kimilsonisme Kim Jong-lisme et de son cercle d'études de la jeunesse ainsi que d'autres habitants. Les orateurs ont indiqué que l'œuvre du camarade Kim Jong-un traduit sa volonté immuable de continuer et d'achever brillamment l'idée et les exploits de Sangun des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il. Ils ont souligné que les militaires et civils coréens remporteront seulement la victoire à l'avenir, comme dans le passé, avec le drapeau de Sangun sous la direction imminente du camarade Kim Jong-un.